Ma ville c'est Marseille, mon club c'est l'OM. C'est pas tout beau tout rose, crois pas que tous les jours c'est Noël. Dans ma tête c'est le why, je fais des tours avec ma wife. Je préfère me faire discret, pas raconter ma life. Au Pinel dans le stick, au mec je fais des massacres. En allant tous les croiser les sticks dans la passade. Je m'écoute en cassette, en faisant zigzag sur la A7. Je vous nique vos égaux poussettes, je parle pas mais je suis où vous êtes. La retourne et on se croise là comme par hasard. Ils ont pas de percée, tu mets la haine quand tu me compares à ça. Faut que je me barre à Saint-Trope avant de faire une syncope. La chienneté j'ai connu, là il me reste 4 fêtes et 5 copes. 3 ou 4 syncopes. Magadji mon piste, ma batte, mon shit, mes feuilles, mes couilles, mon bloc. Ça braque ton RS mec, ça lève très tard les plaques. Et pop, pop, pop, pour avoir les billets à Drake. Je sers. Les problèmes c'est compliqué, je suis au drive, je vais toucher, je sers. Tu l'as aimé défaucher, t'excuses plus quand t'es fauché, je sers. Problème, je suis compliqué, je suis au drive, je vais toucher, je sers. Tu l'as aimé défaucher, t'es plus quand t'es fauché. Appelle-moi Hitchy, dans la nuit, je peux t'envoyer 10 titres. Que déjà l'oie qui dit tu, font la top quand ils sont Didi. Serein comme Toto, le sourire quand saute des tentas. Je suis tenté quand un fils de me cherche, presser la détente. Ce moment, je suis content, je crois que tu sors en vanté. L'argent, ton pote, tu t'aimes avec, tu restes le même comme Kanté ou Cantona. Je préfère prendre des douilles pour les poteaux plutôt que me prendre du Gucci et des Daytona. Pas les mêmes vies, les mêmes buts, les mêmes potes, les mêmes putes, le même shit. On n'a pas le même chiffre, les mêmes lobes. Je suis avec Cendrillon, les boîtes et les folles, ça me dit rien. Les gens diront que si t'es personne, tu pourras même pas faire du rond, je te le dis direct. Je le serai si tu me veux faire, ouais, je le serai. Si tu fais semblant quand tu dis mon frère, je le serai. Si tu sens, tu me la fais à l'envers, je le serai. Si t'as parlé de moi au commissaire, je le serai. Si t'es toi derrière le fake, je le serai. Et on verra ce que je ferai, je le serai. Ça parlait de me cambuter, le compte en maman la putain, je le serai. J'suis serein, j'suis sérieux, j'suis sérieux, faut que m'arrache. Faut que ça part sur ma rage, marche des chenilles, des parages. J'veux lâcher rond dans le garage, on t'a pas dit que le respect ça s'apprend. Que tu fais des poussettes un jour ou l'autre, ça s'apprend, t'as pas dit. J'faut pas compter sur les gens, une dispute après sur toi et raconter les gens, on t'a pas dit. J'suis parti, j'suis pas tout seul, j'suis beaucoup moins de soucis, vos conneries, moi j'suis loin de tout ça, on t'a pas dit. Sans cache tourner dans le secteur, je des soupes monseigneur, un putain inspecteur, tu parles de moi, tout ça, je voulais tout bénéfice. C'est pas bon tout ça, tu voulais niquer le bénéfice, je fais le single, toi tu vois, tu fais le King Kong. Moi quand fois après je parle pas King Kong, je suis pas le Kim Jong, ils veulent tes filles sont où. La mise elle reviendra toujours, tu l'as bien mis son coup. Les problèmes je suis compliqué, je suis au drive, je veux toucher, je sers. Tu l'as aimé défaucher, t'excuses plus quand t'es fauché, je sers. Les problèmes, je suis compliqué, je suis au drive, je veux toucher, je sers. Tu l'as aimé défaucher, t'excuses plus quand t'es fauché, je